Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie à la française. Kim Wang et Michel Boudriau sont deux flics à la vie et à la mort depuis qu'ils se sont croisés à l'orphelinat. Ce ne sont pas les meilleurs flics de France, ni de la région parisienne, ni de leur commissariat d'ailleurs, et pourtant, ils sont chargés de déjouer une vague d'attentats qui touche notre beau pays. C'est parti, mon kiki. Voilà, fermez les yeux, venez vers moi. Voilà, voilà. On progresse, on progresse. Quelle chaleur! T'as vu, elle est toute nue. J'ai vu Michel. Non, mais t'as vu, elle est toute nue. J'ai vu Michel. Bien, si nous sommes ici aujourd'hui chez vous, c'est parce que nous avons très envie de tirer. Oh, merci, madame. De tirer une affaire au clair. T'as un instinctif, en fait. Tu sens les choses. Non, messieurs, cette enquête. Ben voilà. En fait, on est... Non, Kim. Non, c'est moi. C'est moi, je raconte mieux que toi. Ils sont très étranges. Très cons et très étranges. Oh, une porte molle. Je suis Michel Boudriau. Wow. C'est moi qui suis en charge de cette mission. Aïe, aïe. Voilà, voilà, c'est ça, c'est par là. Allez, vous savez quoi? La France compte sur vous. Qu'est-ce qui vous arrive? La France, quand même. Protéger et servir, une comédie avec Carole Bouquet, Clovis Cornillac et Kad Merad, un DVD Fox Pathé Europa.